Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89A. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Hey, m'en suis même pas aperçu, moi, cette nuit. Non. François. Mais mes chats, ils ont comme volé au vent et mon barbecue a voulu déménager, on dirait. Pas ton beau barbecue. Ah ouais, écoute, mais il a vanté beaucoup, à ce qu'il paraît. C'était incroyable, sérieusement, on se croyait dans un ouragan Sydney. Je dors tellement dur, là. Une bûche, toi. Une bûche? En tout cas, donc, bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 13 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Pas de détour aujourd'hui. On commence à State Pipe. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Maxime Tanguay, qui va être présent pour sa chronique. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune idée. Groupe de musique émergent, slash pas signé, slash barre oblique, dash tiret. Bon. Bon, ben ça c'est à voir, on verra. Ben, à date, elle nous a pas déçus, là. Non, mais non. Tu dis ça comme s'ils nous avaient déçus. Jamais de la vie. Ben non. Ça, c'était à 7h30. Tout à fait. Écoute, vers les 8h, on va recevoir Michel Lebrun. Oui. On va parler, évidemment, de justice et de judiciaire et... Et de... Juridique. Je m'en souviens pas. Non, juridique. Juridique, ouais, c'est ça, tout à fait. Puis, c'est ça. Cool. Ouais. C'est à 8h. Ensuite, à 8h30, David Ferron. Il n'est pas là. Non. Donc, à la place, on a un remplaçant. On est allé sur le backbencher. OK. Backbencher. Ouais. Pour aller chercher Gustave Lafenêtre. Ah non. Oui, Gustave Lafenêtre qui va venir nous présenter des chansons sur le thème de la technologie. Par téléphone? Je sais pas. On va voir. Ça, l'histoire du pot? Gustave Lafenêtre à 8h30. En remplacement de David Ferron. C'est clair, ça? Bon. On fera aussi Sex, mais ça devrait pas. On l'a en tout début d'émission tout à l'heure. Mais pour l'instant, Damien Robitaille, qui va nous chanter une chanson de Dame Nature. Pas pour rire mon vent, là. Pas super. Je vais dire désolé pour la personne qui va utiliser le micro après moi parce que la laine du matin, hein. Ouais, on va la repartir encore parce que ça. C'est qui ça? C'est Damien Robitaille. Ça te mêle sa dernière pièce, c'est quoi? Combien de fois qu'on peut le faire, tu penses? Ah, souvent. On est capable, j'en suis convaincu. C'est la pièce Dame Nature. Bonne émission. Bye. T'es prêt, là? Ouais. Comme un cerf-volant errant, je me laisse porter par le vent. Dame Nature. Laisse-moi dans tes bras, c'est moi ton enfant, maman ne m'oublie pas. C'est la nouvelle pièce Backlines. C'est un nouvel extrait du palmarès anglophone de C'est fou. Et ça, c'est, bien. C'est bon. Ouais, c'est bien. Oui. C'est très bien, Stars. Ça, c'est mon petit fond venteux. Hein, pas pire, hein? Un petit fond venteux, non? Ouais, ils ventent aujourd'hui. Ouais. Tout un rapport avec le vent. Ben, ils ventent pas tant que ça, matin. Tu trouves? Tu t'as pas vu mon toupette en arrivant, je pense. Non? T'es replacé depuis? Ouais. Non. Ben, sinon, il me semble que c'était pas si pire. Bon, ok. C'est pas. C'est plus cette nuit, à ce qui paraît. Écoute. Oui. Tu dormais. Ben, écoute, vraiment, zéro connaissance de rien. Hé, quand même. J'ai rêvé à toi, Matt. Oh, ouais? Ouais. Ah, ouais? Ah, ben, j'espère que c'est pas trop... T'étais pas habillé. OK. Puis, ça me fait peur un peu, là. Tu flattes un chat. Ah oui? Oh, mais c'était réaliste, en tout cas. Donc, bon. Tu veux nous présenter un petit bloc parlant de flatter dames, son chat. Oui, on va faire ça avec des dames ce matin. Tegan and Sara, premier groupe. Hein, donc, déjà deux femmes, ton bloc est fait, c'est fini, on met porte la clé de non, mais non, j'aimerais ça en avoir d'autres après Tegan and Sara. Et ça pourrait être The Sounds. Okay. Formation suédoise qui, soit dit en passant, est excellente. Et t'entraînante et puis joyeuse. Donc, en plus de vous mettre de la joie ce matin, va vous entraîner à devenir heureux. Et ben si vous voyez l'image, en fait, la dame est quand même jolie aussi. OK. Bon. Pleine qualité. C'est pour ça qu'on l'écoute à la radio. Ben, c'est pour ça qu'on l'écoute à la radio, évidemment. C'est pas parce que c'est bon. Non, non. C'est notre critère principal. Détrompez-vous. Bon. Merveilleux. Donc, on commence avec Tegan and Sara et la pièce qu'on écoute à l'instant s'appelle Alligator, assemblage requis sur C'est fou 89 FM. Sensitive, it's true. Alligator tears. We'll The Sounds, la pièce Queen of Apology, donc formidable. J'aime ça. Oui, bloc de filles avec Tegan et Sarah au début. Oui. Et d'ailleurs, on se demandait, hein, Ordon, en fait, si c'était un remix ou... Mais je pense que la petite musique derrière, les petits ding-ding-ding-ding, c'est pas pareil comme la vraie. C'était un peu bizarre. Moi, j'aimais ça. Non, bizarre dans le bon sens. Ça sonnait très, très bien, tout ça. Bref, maintenant, quelque chose qui sonne bien dans ma tête, moi, c'est de dépenser de l'argent, parce qu'on a rien que ça à faire dans la vie, on a rien qu'une vie à vivre. comme les enfants disent, YOLO. YOLO? You only live once. Ah. C'est ça, les enfants. C'est frais, ça. Donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a... Mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on se crée des besoins, on cherche des problèmes dans la vie, on les règle comme ça devrait être dans la vie. Hein. C'est l'ordre des choses. Là. Tu ne peux pas faire l'un avant l'autre. Là. C'est l'autre avant l'un. Ah, ça n'a pas rapport. Donc, commençons avec un bloc-notes qui tient les crayons et les choses que tu as besoin d'utiliser avec un bloc-notes, mais dans le bloc-notes. Donc, okay. c'est une pile de papier, okay, un bloc-notes, un notepad, là, okay, avec comme plusieurs feuilles dedans. Et dans le bloc-notes, tu as des trous pour mettre des crayons de plomb, une agrafeuse, des trombones, une efface. Pourquoi pas? Ça s'appelle le MemoPad Organizer. C'est all-in-one, tout ça, et c'est super joli. 380 feuilles de papier et tous les trous sont là. Ça vient en plusieurs modèles que vous pouvez vous procurer entre 63 et 74 $. Donc, c'est fait entièrement de papier recyclé et ça mesure 5 par 8 pouces. Et c'est ça, si c'est trop cher pour vous, vous pouvez sûrement le faire vous-même avec un Dremel, mais ce serait pas aussi fun que d'acheter des affaires. Non, c'est sûr. C'est sûr, ça. Ensuite, tu veux t'asseoir, François, mais en même temps, tes fesses ont faim. Mais quoi? Tes fesses ont faim. Mes fesses ont faim. Tes fesses, ils ont faim. Ils veulent manger un sandwich à crème à la glace, comme dirait ma grand-mère. C'est un banc en forme de sandwich à la crème glacée. OK. C'est super joli. C'est par... Oui, c'est par la compagnie Jellio, pas Jello, le Jellio. C'est le Ice Cream Bench. Et ça coûte 950 $ chacun. Et c'est fait de différentes sortes de tissus, de mousse, de velours même. De velours, François. Velours, tabarouette. Tes fesses sont fancy. Pas mal. Ils ont besoin de velours. Ensuite, là maintenant, c'est ta bouche qui a faim. Hein? Et ouais. Elle a faim pour quelque chose de très sucré, de très, très, très long et gluant. Hein? On aime ça, long, gluant et large en diamètre, là. Donc, c'est un gummy en forme de python. C'est python, le serpent. OK. De 7 pieds de long, 26 okay. livres. Un jujube. Un jujube, exactement. 7 pieds longs. Oui, oui. 26 livres. Uh-huh. Incroyable. Ah, ça a l'air bon. Hein? 36 720 calories, 84 pouces de long, 8 pouces de large et de haut, hein, donc diamètre, là, etc. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit, sinon? Que c'est à saveur de framboise bleue. Évidemment, framboise bleue, le fruit qui n'existe pas, là. Et de cerise rouge ou encore cerise bleue, framboise bleue et pomme verte, voilà. Pour 149 $, 306 portions par serpent, donc 50 cents. 306 portions? Portions de, je sais pas combien de mon Dieu. De poids ou je sais pas quoi. Ça veut dire 50 cents par portion. Et puis, est-ce que je l'ai dit, 36 720 calories? Ouais, ouais. Ouais. Mais sans gluten, par contre. Oh ouais, sans gluten. Ça causera pas de problème de colon irritable ou je sais pas quoi. Ensuite, est-ce que t'es fan de casse-tête? Un petit peu. Un peu. Un peu, sans plus. Ouais. Est-ce que t'es fan de science? Pas vraiment. Non. Non. Tu te rappelles du boson de Higgs? La God Particle, la particule de Dieu, là. Attends, non. OK. Qui a eu lieu, c'était bien populaire cette année. Bref, vous pouvez recréer la God Particle avec ce Higgs boson photo jigsaw puzzle. C'est 252 morceaux, 10 par 14 pouces. Ça vient d'une photo du Science Photo Library ou de la Science Photo Library. C'est ça, c'est juste le boson de Higgs. Et puis, c'est à acheter en ce moment même pour seulement, évidemment, sur Amazon.com, c'est jamais bien cher, là, 25 $. Bon. Ah, bon. Ça a l'air compliqué parce que c'est une particule assez complexe dans sa composition. Hein, ouais, il n'y a pas d'air facile. Pas du tout. Ensuite, tu veux te réchauffer un peu sur ton divan et t'es fan de jeux vidéo, hein? Comme Pac-Man. Mm-hmm. Donc, il te faut une petite couverture. Comment on appelle ça, une couverture de divan? Une, c'est un mot, ça? Une douillette? Pas une douillette, ça. Voyons. Blanket, là. Ouais, en tout cas, on sait de quoi on parle. Une petite couverture pour le salon. Bref, c'est sous licence, donc officiellement Pac-Man. C'est pas une niaiserie comme, Pac-Man ou Batman ou je sais pas quoi. C'est vraiment la vraie face de Pac-Man et les vrais petits fantômes. 50 par 60 pouces avec toute la planche de jeu normale de Pac-Man. Et puis c'est ça, c'est ça. C'est joli. Mais ça vaut 28,99. Merci, 28,99. Ça, c'est pas si cher que ça. J'aime mieux payer 30$ pour une couverture que pour un casse-tête, moi. Non? Ouais. Je sais pas. Ben, 30$ pour une couverture, c'est quand même cher. C'est peut-être moi qui est cheap un matin. Là. Peut-être un peu. C'est pas grave. Ben, parlant de good cheap, je trouve que la prochaine invention est justement pour toi. Tu sais, à la fin de la semaine, moi, ou peu importe, quand à quelle fréquence tu changes ton savon dans la douche, là. Mais il te reste tout le temps des petits morceaux. Ouais. Ben, tu le colles sur l'autre? Tu le colles sur l'autre. Ça, des fois, ça marche pas, ça tient pas ensemble. Ouais. Donc, la compagnie Stack, en fait, ben, c'est la compagnie Stack. En tout cas, bref, ils ont inventé le Stack Infinity Bar Soap. C'est un savon avec une courbure vers l'intérieur où tu peux directement mettre tes barres de savon vieilles dessus. Puis comme ça, ben ça tient parce qu'il y a déjà comme une forme dedans, tu sais. Ça glissera pas, ça tombera pas sur le côté. Pourquoi ne pas recycler son savon à vitam aeternam, hein? Et en plus, il y a du beurre, là, du shea butter dedans là, pour avoir une peau extra douce. Et c'est vegan ou végétalien, truc, là, pour donc c'est basé c'est à base de légumes et tout ça. Et puis, ça n'a pas été testé sur les animaux. Toutes les affaires que vous voulez pour les savons granola. Là. Sur Amazon.com, on vend ça 12,56 pour un paquet de 6. Pourquoi pas? Ouais, j'imagine. Écoute, t'empiles tes savons. Tout le monde gagne. Bah ouais. Tout le monde gagne. Ensuite. Ah, ça, c'est très cool, t'as eu. Ça s'en vient. Ça s'en vient sûrement. Écoute, on parle des ballons ici qui forment des lumières. Oui, exactement. Un petit fil en dessous. Hein, puis, tu peux comme une corde, là. Comme les ballons, évidemment, remplis de liam. Là. Mm-hmm. Tu colles au plafond. Non, c'est très, très, très, très, très joli. Très joli. Ça. Cool, attends, ça pour là, 77$. Pas cher, ouais, c'est pas cher, hein. Il y en a combien là-dedans? Pour LED, hein? Je sais pas. Ah, voilà, j'ai réussi à récupérer ma fenêtre. Donc, oui, ça, c'est des ballons LED, donc c'est quand même bien. Je veux dire, c'est de la lumière qui dure longtemps. Ça coûte seulement 77$. Il y en a deux! Pour deux, oui. On aime ça. J'en veux, ça, c'est cute. Ça fait très... Ouais, non, c'est cool. Dans une chambre d'enfer. Exact. Très hot. Mais ça, tu peux le déplacer, là? Je sais pas, une fois que c'est installé, j'imagine que ça... Je sais pas. Ben, vu que c'est des LED, t'as pas besoin d'avoir des fils dans le mur. La lumière est dans la lumière. Donc, j'imagine que oui, potentiellement, tu peux les déplacer. Ouais, ça marche avec des batteries, donc. Ouais, exactement. Exactement. C'est comme les petites lumières, là, tu sais, que t'appuies dessus, là, comme les buzzers de quiz, là, tu sais, qu'on a souvent, on achète ça. Ouais. Ping, ping. Ensuite, entre ta laveuse et ta sécheuse, tu te donnes à avoir un petit espace et souvent tu vas échapper des bas là-dedans. C'est là qu'ils finissent tout. Là, quand vous cherchez vos bas, allez voir en arrière ou entre les laveuses sécheuses. C'est pas mal tout le temps là qu'ils se retrouvent. Donc, pourquoi ne pas remplacer ça par un petit genre de caddie? Tu sais, un petit caddie à produits. Un chariot. J'aime ça. Donc, c'est 50$, c'est le prix. Et puis, vous pouvez mettre vos produits là-dedans et ça arrive flush avec l'avant de votre laveuse et de votre sécheuse. Et moi, évidemment, je ne mettrais peut-être pas de produits nettoyants sur la tablette du haut. Ben, c'est laid. Ouais, parce que trois tablettes... en haut, ce serait justement les bas pourraient tomber là. Ouais, mais il me semble que je l'aurais fini avec une tablette flush. Ouais. Moi aussi. À égalité, mais bon. Ouais. On n'est pas des designers, là. Hein? Ouais. Ils ont dû faire ça pour une raison que j'ignore. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas pensé. Non, ils n'ont pas trop pensé à ça. Ça vaut quoi, 50$? Ouais, c'est ça exactement, pour un petit caddie, un chariot à laveuse sécheuse. Eh bien. Prochaine idée, j'aime ça, tu sais, faire des graffitis, c'est pas très légal. Non, faut pas faire ça, là. Non, mais effacer de la peinture sur un mur avec un nettoyant, ça pourrait être légal, ça, par contre. C'est le Grime Rider, c'est un crayon nettoyant, donc t'es supposé aller sur un mur qui est très, très sale. Et puis, nettoyer avec ce crayon-là, c'est vraiment une pointe de crayon assez large. Et puis tu dessines, ça enlève la saleté. Donc, c'est comme un genre de graffiti renversé. OK. Bonne idée? Ouais, l'idée est bonne. C'est 12$ pour un Grime Rider. Voilà. À savoir si ça dure longtemps, par contre. Hein? Si tu t'attaques à un mur qui est très crotté, ton crayon va le devenir aussi. Là. Mais est-ce que tu pourrais t'en servir peut-être sur des vitres de voiture qui sont allées dans la boîte? Quelque chose du genre? Ah, j'imagine. Mais ça, un doigt fonctionne très bien aussi. Oui, en effet, ce qu'on appelle un doigt. Pas très cher, c'est un doigt. Non, c'est ça. J'en ai 10 ici que je peux te donner en serrant en main. Attends un peu, non, je te donnerai pas mieux. Ouais, non, c'est ça. Ça a l'air bizarre, justement. Ensuite, tu sais, quand tu donnes une carte d'affaires à quelqu'un, tu sais jamais s'ils vont vraiment s'en servir, s'ils vont mettre les informations à quelque part ou s'ils vont juste l'acheter en arrivant chez eux. Hein? On sait jamais ça. Donc, ces cartes qui ont été faites à la main par un certain Jay Kicklitter. Jackie Fader, donc, il a créé une carte d'affaires que quand tu la donnes au toucher, ça allume une lumière. Je sais pas. Comme c'est comme pour créer un contact avec la personne, je sais pas trop quoi. Peut-être que la lumière va rappeler à la personne « Hey, c'est vrai, il faut que je rentre les informations de cette personne-là sur mon... » Ça revient cher de la carte d'affaires, ça, mon ami. J'imagine, mais c'est toi qui l'ai fait à la main, donc ouais, ça coûte cher en effet, mais au moins, t'as fait du bricolage, ça. T'es content? Ouais, c'est amusé. C'est amusé. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite, tiens, tu veux t'acheter un nouveau réfrigérateur et t'as beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais, ça arrive, ça, dans la vie, ben, des fois? Ça arrive, écoute, je voulais t'en parler. Ouais, ben, j'accepte les dons. Donc, c'est un nouveau frigo réfrigérateur qui s'appelle le Minigni La Kombucha à 40 500 $. Ouais, un réfrigérateur qui fait plus de choses que les autres, là. Ça a peut-être juste l'air d'une armoire en le regardant. En fait, ça a l'air d'une armoire du futur. Quand on la voit fermée, c'est en bois, cette affaire-là, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment design de l'extérieur. À l'intérieur, par contre, t'as un garde-manger, t'as une machine à glace, t'as un micro-ondes, un fourneau multifonction et une chose à vapeur, un four à vapeur. À l'extérieur, la surface est faite de trois couleurs, genre un effet d'ébony, et puis un paquet d'affaires comme ça, des affaires d'arbres, là, des bois différents. Et puis, ça mesure 8 pieds de large et un petit peu plus de 7 pieds de haut. 40 500 $. Allez voir, t'as l'impression d'entrer dans un manoir là-dedans. Ouais, ouais. C'est chic. C'est chic, mais on dirait que le frigidaire, il est petit. La portion frigidaire est en effet petite, oui. C'est à droite et pour à gauche. 40 000 $. J'aurais mis deux portes de frigidaire. Ben, moi aussi. Ouais. Je pensais qu'à gauche, c'était un frigidaire au début. Non, mais c'est non. Ça. Puis le à gars, gauche, mais c'est garde-manger. Mais c'est alcool là-dedans. L'alcool chaud, tiens, je crois. Chaud. Yeah. Un alcool. Ah, regarde. Bref, 40 500 $, le Minigini La Kombucha. Ensuite, tu invites des gens à souper chez toi fréquemment. C'est connu? Ben oui. C'est connu. Donc, t'as besoin d'avertir les gens quand t'es en train de commencer à cuisiner et quand le repas est prêt. Et ça, comment est-ce que tu peux savoir ça? C'est en déboutonnant. Sans le dire. Sans le dire. C'est en déboutonnant ton tablier. OK. C'est ça le signal. Quand tu déboutonnes ton tablier, ça veut dire j'ai terminé. Mm-hmm. Venez-vous-en. Et là, tu veux pas avoir à sonner une clochette. Là. Hein? Donc, il te faut le Smart Apron. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a un système à l'intérieur de ça. Dans le fond, c'est un tablier. Et les snaps de ton tablier utilisent la technologie de la Wireless XB Radio branchée à des Lilypad Arduinos. Aucune idée ce que c'est. Pour justement envoyer à tes invités à leur téléphone cellulaire, leur tablette, leur ordinateur de bureau et tout ça pour dire le repas a commencé ou le repas est prêt. Hein? C'est pas encore disponible commercialement, mais c'est un concept qui pourrait être intégré à différents objets, à différents articles. Pour envoyer des messages textes pour différentes choses. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être, Caroline, tu sais, genre, je suis parti aux toilettes, puis là, tu sais, ben, je vais revenir parce que j'ai reboutonné mes pantalons. T'sais. Mettons, tu pourras voir ça. Je vais revenir bientôt, fait que fais attention. M'en viens! Hop, attention! T'aimes ça prendre une sieste une fois de temps en temps? Ouais. Ça aussi, c'est quand même assez évident, tout le monde aime ça. Donc, c'est une capsule qui ressemble un petit peu genre à quelque chose d'extraterrestre, mais juste pour les siestes. Donc, évidemment, ça va améliorer votre productivité. Hein? Ça, on parle, j'imagine, plus au travail. Là. Peut-être plus au travail, en effet, ça pourrait être une bonne chose. Parce que chez vous, t'as un lit, là? T'as idéalement. Ou un divan. Ou une chaise. Un lit à bois. Donc oui, au travail, peut-être qu'une compagnie pourrait acheter ce pod-là et les personnes pourraient prendre tour à tour une pause de 20 à 30 minutes, etc. et se sentir rafraîchi. Après ça, et mieux travailler. Donc, c'est un design de Marie-Virginie Berbet. C'était un prototype pour France Télécom, mais c'est devenu un vrai produit. Donc, les compagnies, maintenant, peuvent acheter ça. Ils sont libres d'acheter ça. Ça contient un lit et des lumières orange qui se tamisent quand tu entres et des lumières bleues pour te réveiller après une période spécifiée de 10-15-20 minutes. Tranquillement, exactement. C'est ça le fun d'une sieste. Parce qu'une sieste, si tu te mets une alarme, tu n'auras peut-être pas récupéré, tu seras peut-être pas réveillé au bon moment. Et puis, il y a des haut-parleurs aussi pour mettre des petits sons d'ambiance. Je sais qu'ils vendent des lumières de luminothérapie. Oui. En fait, tu peux programmer ça, puis en fait, là, ça... Il y a bien des gens qui aiment ça, la luminothérapie. J'ai jamais essayé. Ça fait comme un lever de soleil. Là. C'est comme si tu te levais au lever de soleil. Là. Surtout c'est pour pas le soleil, mais bon. L'hiver ou la... Oui, ouais, les périodes où en fait, on a moins d'ensoleillement. Tout le monde est déprimé l'automne. C'est bien normal. L'automne et l'hiver. Ensuite, un clavier, il nous en reste deux derniers, on termine ça rapidement. Le puzzle keyboard du designer Wanfu Chuna. Juste son nom est le fun à dire, tu sais. Wanfu Chuna. Wanfu Chuna. Donc, c'est un clavier modulaire avec des touches individuelles qui peuvent être imbriquées les unes dans les autres, dans n'importe quel sens, n'importe quelle combinaison. Donc, évidemment, sur la photo, sur assemblagerequis.com, on l'a juste placé en forme de clavier normal, mais on a tassé quelques affaires de place, là, pas grand-chose. Mais vous pourriez, dans le fond, mettre les touches un peu n'importe où et faire votre propre clavier, peut-être en deux parties très séparées. Je sais pas où vous... Ben, peut-être qu'il faut... J'imagine qu'il va falloir qu'ils soient tous attachés ensemble pour que ça fonctionne. J'imagine. Tu ne peux pas pouvoir les séparer en morceaux. J'imagine. Ça aurait été pratique parce que ça aurait pu comme séparer ton clavier comme, mettons, pouvoir t'évacher, tu sais, puis avoir un bras à gauche qui tape QWERTY. Mais bon, est-ce qu'on avait le prix de ça? Non, je ne crois pas. Le Puzzle Keyboard, oui, parce que je veux le prix, moi, c'est ça l'important. Hein. Sinon, j'en parle pas. Red Dot, red-dot.sg. Non, pas de prix. Et puis, il nous en reste un dernier. C'est un classeur de Skittles. Je sais pas si ça fonctionne avec les M&M. Oh boy. Et d'autres. Ça les classe en couleur? Eh oui, par couleur. Mais très, très lentement, par contre. Tu vois, si tu regardes la vidéo, tu vois qu'ils ont sauté une scène complètement. C'est-à-dire la scène du classage. J'imagine que c'est parce que ça prend autant de temps, sinon plus, qu'une main, qu'on appelle. Mais bon. Donc, c'est ça. C'est un classeur de Skittles. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Des minutes de plaisir. Allez voir ça. Et se créer des besoins et des dépenses sur la carte de crédit. Voilà. Eh bien. Dans quelques minutes, on revient avec la chronique de Maxime Tanguay. C'est qui déjà ce band-là, François? J'en ai aucune idée. Moi non plus, je sais pas. Je vais attendre après la pause pour savoir. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Ah, ça tombe bien qu'on mette ça juste devant Maxime Tanguay, ça. Comment ça, donc? Ben, la qualité. Oh! T'étais trop focusé sur la musique, puis le... Ouais, c'est vrai, hein? Je fais beaucoup de simagrées, d'habitude. En effet. Moi, j'ai envie qu'on fasse ta chronique. Tu pourrais la faire dans le rôle d'un gars qui est en train de s'étouffer, mettons. Ah oui! Mettons, ça pourrait être comme un rôle de composition pour un gars qui a peut-être un rhume. Écoute, ou fin de rhume. Ben écoute, t'as un petit peu, là. Pas facile. Aïe, c'est quoi dans ce band? Ça va pas bien. Ouais. On dirait une consigne avec ton doigt comme ça. Oui, hein? Imaginez-vous mon doigt à radio. Non. Fait que c'était bel et bien un rôle de composition. Je m'étouffe rarement. Hein. Rarement? Rarement. Mais tes rhumes back-to-back, là, t'en as eu plus. Oui, mais c'est fini, là. Oui. C'est terminé. T'as de l'air en pleine santé. Ben quand même. Oui, ça va bien. Merci. Mais effectivement, là, je m'en suis remis, en fait. Mais je pense que c'était le mélange de plein de choses qui m'est tombé dessus, là. Mais autrement. Tout en même temps. Je pensais à vous autres, ça me donnait de la force. Il est-tu fin, hein? Ça a l'air tellement. Et qui était tout. Un petit peu. Aujourd'hui, tu nous amènes encore un groupe avec un nom compliqué. Ben, je suis pas si pire, là. Mais c'est le pas Elbow, c'est quoi ça? C'était même trop compliqué à retenir. Là. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais tu sais, en même temps, c'est le seul groupe, paraît-il, qu'on ne peut pas licher. Je Elbow. Mais... On ne parle pas de ça. Non. Non, aujourd'hui, je vous ai apporté Working for a Nuclear Free City. Okay. Donc, le titre, le nom du groupe n'est pas dans le but de militer pour une ville sans énergie nucléaire. Mais ça a bien, l'air, hein? Mais bien, en fait, c'est déjà une ville en Angleterre qui a une pancarte et c'est écrit Working for a Nuclear Free City, dans le fond, dans le sens que la ville est déjà sans nucléaire. Donc, OK, ils sont inspirés d'une pancarte. Oui. Mais c'est aussi stupide que s'inspirer, mettons, des boîtes IKEA pour trouver son nom d'émission, mettons. Ça. Ouais. Assemblage requis. Ouais. C'est bizarre. Hein? Ouais. C'est une boîte IKEA, pour vrai? Peut-être. OK. Ouais. Donc, sur un autre sujet. Non, c'est ça, Working for Nuclear Free City, qui est un groupe anglais, en fait, qui est très dur à trouver sur les internets, honnêtement. Ils n'ont pas de site officiel. Ils ont un MySpace qu'ils n'entretiennent absolument pas. C'est assez... mais c'est vraiment de quoi à découvrir, par contre. pour ça que je vous l'amène. Hein? Hein? Hein? La suite logique. Ouais. C'est un petit groupe de Manchester, en fait, justement, en Angleterre, qui a débuté autour de 1999 ou à peu près quelques poussières. Et c'est un groupe qui, à l'origine, eux, ne faisaient que du studio. Fait que c'était deux chums qui arrivaient dans le studio puis ils s'amusaient. Puis, pas de spectacle. Non, pas de spectacle. C'est vraiment que de la musique studio et ça transparaît beaucoup dans l'album, dans les pièces qu'on va entendre justement. Mais à un moment donné, plus ça allait, puis plus les gens leur demandaient, hey, on veut vous voir la bête, on veut vous venir en spectacle. Et finalement, ils ont fini par rajouter des membres et ils ont fini par faire vraiment des concerts. Et mais l'esprit demeure quand même que c'est un groupe qui est très studio, que honnêtement, il y a beaucoup de chansons qu'ils jouent que on dirait que je sais pas comment ils peuvent sortir ça en show. J'espère pour eux que c'est bien, mais en fait, je suis pas mal convaincu que ça doit être bien, mais quand même, bon. C'est super intéressant parce que c'est un groupe qui est quand même assez éclectique dans leur style. On reconnaît tout le temps une petite trame qui va être un peu shoegaze. Shoegaze, on avait parlé, qui était cette musique avec beaucoup d'effets sur la guitare au point où on appelait ça le shoegaze parce que les guitaristes devaient constamment regarder leurs pédales sur stage pendant qu'ils jouaient en spectacle. Donc, on avait l'impression qu'ils regardaient leurs souliers. Et il y a tout le temps cette... Pardon, il y a tout le temps cette trame-là qui est un peu aussi indie, qui va mélanger même des éléments rock, des éléments électro, des éléments folk. C'est vraiment un gros mélange, là. C'est, comment je pourrais dire ça? Un buffet chinois de musique, mais très bien fait. Très, très bien fait par un maudit bon buffet chinois. La bonne petite sauce rouge. Ouais, exact, avec du poulet aux ananas. Mais, hey, j'ai faim tout d'un coup. Ouais. Non, mais voilà, puis c'est une musique qui est peut-être à 70% instrumentale. Donc, la voix va pas tout le temps être là. Mais quand elle est là, c'est génial parce que c'est une sorte de voix sobre, un peu justement très dans les courants de voix anglaise. Si on parle du post-punk, si on parle un peu même un petit peu du Britpop à la limite. Mais de quoi une voix un petit peu plus grave, mais très un peu effacée, très sobre, qui est bien intéressante et qui va ramener justement une autre dimension à leur musique. Il y a pas beaucoup d'infos sur eux autres, fait que je vais finir déjà en présentant leur album. Ils ont en 2006 sorti l'album éponyme Working for Nuclear Free City, qui est malheureusement plus disponible, je crois. Par contre, en 2007, ils ont sorti Businessmen and Ghost, qui est leur première sortie hors Angleterre, qui reprend tous les titres du premier album, plus certains EP et certains petites pièces qu'ils ont mis ici et là. C'est un album double et c'est vraiment un bijou à se procurer. C'est excellent comme album. En 2010, Jojo Burger Tempest. Qui? Jojo Burger Tempest. On dirait vraiment le nom d'un milliardaire américain. N'est-ce pas? Hein? C'est Jojo Burger Tempest qui est un album particulier. Qui est, ça a l'air positif. Mais ouais. Il est plus difficile d'approche parce qu'on dirait qu'ils ont essayé de recréer une sorte de Businessmen and Ghosts, justement, avec cet album-là où on va chercher... C'est majoritairement instrumental. C'est un album où les pièces vont s'enchaîner l'une après l'autre, vont s'emboîter un peu même l'une dans l'autre. Et la chanson-titre qui est sur le deuxième disque, parce que c'est aussi un album double, est un 33 minutes de musique un peu éparpillée, là, dans le fond, où on a l'impression que c'est quelqu'un qui synchronise un peu. C'est intéressant, par contre. C'est vraiment très intéressant. C'est différent, par contre. Peut-être un petit peu plus dur d'approche, mais cela dit, quand même de beaux moments. Et ils ont un album Apoptosis qui a été annoncé, mais qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais paraît-il qu'il s'en vient. Okay. Mais en 2013, j'imagine? Écoute, le jour où j'ai reçu Jojo Burger Tempest, je me suis informé vite, voir les critiques, s'il y avait eu des critiques et tout. Puis j'ai vu que déjà, il avait annoncé qu'Apoptosis s'en venait, mais ça a sorti en 2010. Fait. Et ça, t'as connu ça comment? Écoute, c'est une petite fille qui... Non, c'est... Quoi? Dans un magasin X qu'on ne nommera pas, qu'on m'a conseillé d'acheter l'album. Puis j'ai fait un achat aveugle, en fond. J'ai carrément fait « Oui, faites-moi le venir, puis je vais l'écouter. » Puis j'ai vraiment adoré ça, parce que c'est un groupe qu'on peut pas vraiment découvrir par soi. Parce que non, c'est ça, j'imagine. C'est pas nulle part, là. Mais voilà, la bonne fée pas de vin. Appelons-la comme ça. La bonne fée pas de vin. En espérant qu'il ne m'écoute pas. Et donc, c'est ça. Et les pièces que je vous propose pour essayer de... J'ai essayé d'aller chercher des pièces un peu différentes pour essayer de voir, vous faire comprendre c'est quoi toutes les dimensions qui vont ratisser. La chanson 88 qui ouvre le deuxième disque de Businessmen and Ghost, qui est un petit peu plus rythmé à la limite de l'électro. Rocket, qui est la quatrième pièce du premier disque de Businessmen and Ghost, qui est plus rock folk, qui est probablement une des meilleures pièces qu'ils ont écrit. Et Do a Stunt de l'album Jojo Burger Tempest, qui ouvre l'album, premier disque. Hey, c'est complexe, hein? Oui, hein? Mais t'es bon. Merci. Et qui est un album, qui est une chanson quasi cabotine, en fait, qui va aller chercher un côté plus prog rock, qui est intéressante. C'est ce que je vous propose. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune idée. Mais c'est Working for a Nuclear Free City. Ah, ok, vous savez. C'est Maxime Burger Time Tang. Ouais. Burger Time, c'est le jeu vidéo avec la salle et le poire. Puis tu marches. Oh, c'est vrai, le pain tombe, la viande. Mais oui, faut que tu. Ah. C'est comme ça qu'ils entraînent leurs employés chez McDo. Thank you. Wow! Hein? Non, mais pour vrai, non, wow. C'est varié. C'est bon? Oui, oui. Ouais, moi, c'est très bien. J'aime beaucoup. Bien aimé. Ouais. Mon préféré à date de tous tes choix que tu m'as proposé, je te jure. Hey, oui. Colin. Il est pour moi, celle-là, il est. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute. Parle avec. Ben oui, c'est parle avec. Ton cartable ici de CD, c'était quoi ça? Non. T'es pas cartable, mais les CD, on peut négocier. Bon. Fait que voilà, Working for a Clear Free City. Écoutez, il y a moyen de se le procurer sur Internet facilement. C'est juste que l'étape difficile avec ce groupe-là, c'est d'apprendre, de savoir qu'il existe. Mais ouais, c'est sûr. Fait, hein? on peut facilement trouver. Et si moindrement vous décidez de partir vivre en Angleterre, peut-être que vous pourrez les croiser en spectacle. Autrement, ça n'a pas sorti de là à date là, du tout. Donc, on l'espère bien. Puis surveiller Apoptosis qui va peut-être sortir un jour. Un jour. Peut-être. L'apoptose qui est la mort des cellules. Enfin, bref. Non, mais c'est la mort de quoi? Ça. La mort des cellules. Ah. Des cellules du corps humain. Okay. Quand, à un moment donné, il faut qu'ils meurent. Et c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Qui vont c'est pas un suicide, mais ils vont se faire mourir. Et le cancer, en fait, est l'absence de ça. Donc, des cellules qui ne meurent plus et qui se divisent. Hein? On apprend des choses dans une chronique de musique indie. Ben oui. Faudrait pas venir gâcher ça avec une joke du fait qu'ils sont disponibles à saveur de fraises comme des apoptards. Apoptards. Tu vois? Hey, j'aime beaucoup. Merci. J'aime beaucoup ça. Réutilise-la avec crédit, évidemment. Oui, je vais toujours faire le gag, puis après, on va dire, mais tu blanc. Je suis le pas, par contre. Ah, OK. Je le crierai dans ce cas-là. La règle, c'est dans le caractère 12 arial. 12 arial. Mais Apple, tu te rappelles la controverse d'Apple, il fallait qu'ils écrivent en 0.14 arial sur leur site web que Samsung avait gagné dans un autre pays, au Royaume-Uni, genre. Non. Je sais pas trop quoi. Fait que l'excuse devait être en 0.14 sur leur site. Non, ouais. Même, je te jure. Hein, c'est drôle, ça. Ouais, ben oui. Ça, c'est des gags d'informatique. OK. J'ai une surprise pour vous ce matin. Non, quoi? Hein, oui, parce que dans ma vie, je ne suis pas seulement un malade qui fait juste écouter de la musique. Je fais également de l'impro. Oui, c'est vrai. Oui, et ce soir, à la LIM, donc la Ligue d'improvisation mauricienne, qui est à la Maison de la Culture, à la salle Louis-Philippe Poisson. Bloup, bloup. Bloup, bloup. À 20h, c'est les Turquoises et les Oranges. Les Turquoises, c'est entre autres Andréane Tremblay, Maxime Isabelle, c'est Maxime Tanguay. Ah ouais? Maxime Tanguay, puis l'Orange Gélinas. T'es dans les bleus? Turquoise. Okay. Oui. Il y a des bleus et des turquoises, c'est ça? Ou il n'y a pas de bleus? Il n'y a pas de bleus. Ah, il y a juste des turquoises. Mais pourquoi orange? C'est pas genre orangé? Ou un genre de jaune orange? Vous demanderez à Rémi Francoeur. Okay. C'est son choix de couleur, là, mais je sais pas pourquoi. Okay. Mais bref, ce soir, le match, ça a l'air que j'ai une paire de billets à faire tirer là. Okay. Là. Formidable. Là. Vous pouvez nous appeler au 819-376-5183. Ou sinon, tu peux donner ton cellulaire aussi. Je m'en vais en cours. Ça peut être insultant pour le prof. Pour trafic de drogue? OK, non. OK, en cours. Non, en cours, avec, classe. Avec un S. Ah, ouais. Ouais. Avec un cours avec un S. Uh-huh. Ouais. Ben, des billets, une paire de billets pour la LIM ce soir. Ce soir, 20h, les billets seront... on vous l'expliquera dès que vous aurez appelé en studio, mais ça va être bien bon. C'est sûr, je vais être là. Ça va être bon. Va être formidable. Humble, en plus. Humble. 819-376-583, on attend votre appel. On va prendre le deuxième. Tiens, pour l'instant, on écoute l'Info Campus et on revient avec la chronique de Michel Lebrun. Oui, on va parler de justice ce matin. Oui. Oh, hey, cours. Cours. C'est pour ça que tu préparais. Oui, je préparais ça. Puis toutes les cours sont là. T'as la cour de justice, la cour de tu t'en vas à ton cours, puis tu cours pour t'en aller parce que tu vas être en retard si tu continues de même. T'sais. Là, d'ailleurs, je vais courir et me faire une apoptarte. Une apoptarte. Crédit, s'il te plaît. Mathieu Plante. Voilà, il apprend sa leçon. On a aussi David Ferron. Il est en congé aujourd'hui. On se fait Gustave Lafenêtre à la place. Oui, Gustave Lafenêtre. Qui va nous parler de ça musique technologique. Ça va être déstabilisant. Est-ce qu'on va réussir à la tenir tout le long de la chronique? C'est pas grave. On va voir. Restez là pour l'instant, c'est l'Info Campus. Gustave Lafenêtre, c'est un grand fan de Windows 8. C'est vrai? C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Oui,

Au retour, on parle avec Gustave Lafenêtre en remplacement de David Ferron. Il va nous parler de musique et de technologie. Sa moustache est belle, une belle moustache. Hein? C'est, en tout cas, on revient tout de suite. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Anne-Julie Durocher entraînera son index pour nous montrer son choix de la semaine. Jasmine Raymond-Dreville nous parlera des plus récentes activités de la GEQTR. Et Maxime Bilodeau nous parlera d'ergogénique Zinego, utilisé dans le monde sportif. Et Carl, c'est demain, 7h, à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Il est 8h41 à assemblage requis et aujourd'hui on reçoit un chroniqueur qu'on appelle Gustave de la Fenêtre. Bon matin. Bon matin, Gustave. Bien, bon matin, je suis heureux de vous voir en chair et en os. Ça va bien? Bien oui, merci. Et vous, je suis très, très heureux de vous voir. Vous êtes très jolis, mes garçons. Merci, merci. On l'a reçu, Gustave, à la fenêtre, il y a quelques semaines de ça. Par téléphone, par contre. Oui. On l'avait pas vu. Non, on savait pas qu'il y avait une aussi belle moustache, aussi luisante, je dirais. Léchardue. Oui. Vaseline là-dedans, quoi? Movember Power, c'est naturel, voyons. Voyons, voyons, voyons. Mais oui! Et monsieur de la fenêtre, je vous appelle tout à l'heure de la fenêtre. Mais oui! C'est pour rajouter au fancy de la chose. Vous êtes un petit peu un fanatique de Microsoft. Je sais que vous avez fait de la propagande pour Windows 8 dans notre émission. Les gens apprécient. On a reçu beaucoup de téléphones disant on aimerait ça revoir, Gustave. Mais en fait, Windows 8, c'est la 9e merveille du monde. Je veux dire, il y a eu la roue, le robinet et Windows 8. Évidemment. Évidemment, les tuiles. Les tuiles aussi sont là-dedans. Je parle des tuiles de salle de bain et des tuiles dans Windows 8. Ah oui, moi, tout ce qui est tuiles, sauf tuiles sur la tête, eh bien, j'aime ça. Sauf que là, David, qui était supposé de faire une chronique ici, m'a dit, tu sais, Gustave, j'adore macOS. Je me suis réconcilié avec macOS, alors je l'ai poignardé. Mais oui! What? Fan de Mac, attention, vous êtes en danger! Saute sur Mathieu! J'en ai un ici, attention! Mon iPhone, ça! Je vais tous. Gustave! Gustave, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, Gustave? Mais David, tu n'es pas mort, Gustave! Alors, je vais me battre contre toi, Gustave! Oh non. Allez! Non. Allez! Oui. Lâchez-vous! Non! Non! Ça existe de voler! Fight! Arrache-toi qu'il revienne dessus! Non, David! Gustave! Non! Salut les gars! Hey, David Ferron! C'est qui là? C'est Gustave? Ça va les gars? Vous ne reconnaissez pas les gars? Ben oui, Gus, on t'entraînait. On est tous mêlés. Parce que tu sais, il y a tout le temps evil, moustache pour moustache. Ok, attends un peu. Non, lequel il faut que je tire? Ah, lequel il faut que je tire, François? Lequel que je tire? Tire, David! Gustave! David! Merci les gars de m'avoir débarrassé de Gustave. Bon. On n'entendra plus jamais parler de Windows 8. Non. Oh boy. Est-ce que tu reprends ton saut, David? Ouais. Il a voulu présenter des compilations de Mireille Mathieu parce qu'il trouve que ça joue bien sur Windows. Je voulais lui empêcher parce qu'il voulait présenter Mireille Mathieu, Johnny Hallyday puis toutes ces choses. Oh non. Oui, vous avez bien fait de... vous avez bien fait d'en finir. Il sera jamais capable de faire sa chronique, je pense, David, par contre. Là. Ben, après, on parle l'intro puis je reprends mon souffle. Ok, sors ta langue juste pour voir si t'es en bonne forme. Sors ta langue. Sors, non, okay. Ah oui. Oui. Ah, il devait sortir. Oui, je vais le mettre la langue dans ton oreille, celle de François. Hey! Touche pas à mon oreille, ta langue, tout. Ah, et le chat vient terminer, toi, cette scène mémorable de théâtre radio. Une chronique haute en couleur. Oui, allez, chat, griffe Gustave, pendant qu'il gît par terre dans le studio. Ah, gentil chat. Alors, en fait, aujourd'hui, maintenant que j'ai repris mon souffle, je vais vous parler de l'humain et son évolution à travers trois pièces musicales. Eh bien, l'évolution technologique, l'évolution dans sa tête, l'évolution par rapport au temps. Bref, trois groupes et artistes qui vont vous enchanter vos oreilles, même celle de François Olivier. Oh! Es-tu prêt à gager, toi, là? Ah oui, je suis prêt à gager Gustave. Il est pas mort, non, je le veux pas. Ben, c'est facile de gager dans ce temps-là, c'est plus facile. On n'a rien à remettre après. Mais bon, je vais commencer par un trio autrichien, Dites-nous. Schneeberger Trio. En fait, qui est Dites-nous Schneeberger? C'est un petit prodige de la guitare de 22 ans. À 16 ans, il gagne le fameux prix N-Scholar, qui est comme le grand prix de jazz en Autriche. Donc, et l'année d'après, il forme avec son professeur de musique et son papa, qui est également un musicien reconnu de jazz en Autriche aussi, donc de père en fils. Il forme le groupe Dites-nous Schneeberger Trio, qui se spécialise dans le jazz manouche, mais avec des petites touches latino. Et la chanson, la pièce qu'on va entendre, c'est une reprise de Django Reinhardt. Django Reinhardt, pardon. En fait, Django Reinhardt, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on a diffusé une de ses pièces. Dans la chronique de Simon Fitzbay, ça? Exactement, ouais. Oui. Quand j'ai fait l'entrevue avec Simon, eh bien, il nous avait présenté Django Reinhardt. Et là, on vous présente une reprise, justement, de M. Reinhardt qui s'appelle Rhythm Future. Et vous allez voir, c'est pas techno, évidemment, parce que c'est jazz manouche, mais il y a des sons qui font comme « Ah, mais ça, j'ai déjà entendu ce type de son-là dans des films de science-fiction. » Donc, on va écouter de Dites-nous Schneeberger Trio, la pièce Rhythm Future. À son âge requis, c'est la langue dans ton oreille. Oui. Dites-nous Schneeberger Trio avec la reprise Rhythm Future, une reprise de Django Reinhardt. En fait, Michel Deschênes, qui est animateur de Des oreilles pour écouter, qui passe sur les ondes de C'est fou 89.1 FM à tous les dimanches de 17h à 19h, vient de nous apprendre quelque chose par téléphone. Ouvrez grand vos oreilles. C'est fait. C'est fait. Excellent. Eh bien, en fait, le groupe The Lost Finger, qui est également un groupe de jazz manouche, est inspiré en fait d'un fait sur Django Reinhardt, qui est un pilier du jazz manouche, justement. Et parce que M. Reinhardt, il lui manquait des doigts. Ah! Donc, The Lost Fingers, ça vient de là. Génial! Très intéressant. Oui, et aussi, Michel Deschênes vous invite au Cercle des Conteurs à la Chasse-Galerie, qui va se produire vendredi soir, et l'accès pour aller à la Chasse-Galerie pour voir nos merveilleux conteurs, dont Michel Deschênes. C'est gratuit, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Donc, le Cercle des Conteurs de Trois-Rivières, vendredi soir, à la Chasse-Galerie, c'est à retenir. Et vous allez voyager partout dans le monde, dans votre tête, c'est merveilleux. Oui. David, toujours la chronique La langue dans ton oreille, et t'as deux autres artistes à nous présenter dans le cadre de ta chronique sur les humains et la technologie. Oui, en fait, là, la pièce que je vais vous présenter, ça parle pas de technologie en tant que telle, mais je vais vous parler d'une personne pilière de la technologie musicale, c'est-à-dire Jean-Michel Jarre, qui est considéré comme un pilier de la musique électronique. Mmh. C'est qu'en fait, qui est Jean-Michel Jarre? C'est très simple, c'est le fils de Maurice Jarre. Et pour ceux qui ne connaissent pas Maurice Jarre, c'est un compositeur de musique de film très réputé. Il a composé la musique de film pour Shogun, Laurence d'Arabie, Je reprends mon souffle. 1, 2, 3, Docteur Jivago. Aha. Des films de série B, évidemment, mais non, c'est tous des classiques. Donc, c'est son fils, mais lui, au lieu de faire de la musique classique, eh bien, il rencontre, en fait, Pierre Devinette. Qui? Devinette, Pierre Schaeffer, oui, hey, ça va pas bien. Schaeffer. Je prononce à la française, mais Pierre Schaeffer qui Gustave est... Gustave sort de ce corps. Oui, Gustave! Il est pas Gustave! Fait j'ai vu bouger ses doigts. Sa tête avait. Ok. Il n'y a rien à faire avec Gustave. Non, hein. Give me a break, Gustave, là. Give me a break. Sors de ma tête. Je pense que c'est plus un trouble de personnalité multiple. Mais bon. Mais en fait, c'est ça. Jean-Michel Jarre rencontre Pierre Schaeffer, qui est un pilier de la musique électroacoustique. La musique électroacoustique, c'est en fait de la musique classique, mais avec des expérimentations électroniques. Donc, c'est assez bizarre comme musique. C'est comme. Puis Jean-Michel Jarre, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre ce genre de musique-là et il l'expérimente. Ce genre de musique-là? Oui! Ah. Wow, Mathieu, t'es incroyable. Ouais. Donc, il l'expérimente avec des synthétiseurs, mais aussi avec des cordes de piano, des batteries, des cuillères en bois, des ciseaux. Bref, il fait de la musique techno-organo-synthétique. Je peux appeler ça comme ça. Mais là, il découvre de plus en plus les synthétiseurs. Ça sort de plus en plus. Et là, ça lui permet de faire de la musique électronique. Et ça va lui permettre de sortir son classique Oxygène. Mais Oxygène a failli ne pas être sorti dans les bacs des disquaires. Pourquoi? Parce que sa maison disque disait ben, c'est tout instrumental et il n'y a aucun single potentiel à sortir. Et Oxygène sort et ça devient un des disques d'un Français les plus vendus dans le monde. C'est-à-dire 18 millions de copies ont été vendues d'Oxygène. Et la pièce Oxygène Part 4 ou Oxygène Partie 4 est considérée comme une pièce pilier de la musique électronique. Et c'est ce qu'on va écouter, Oxygène Partie 4. J'en reviens pas. Même Gustave rit dans sa barbe. Ouais. Sa moustache, qu'on a dit. Ah, mais oui. Faut établir les. On a établi comme une histoire, toi. Faut. Ah, ouais, c'est vrai. Il y a juste une moustache. Ah, j'avais oublié. Ça défait, là. Ben non, moustache. Il n'en fait pas. C'était la pièce Oxygène, partie 4, du compositeur électronique Jean-Michel Jarre. Oui, on a eu un fait par téléphone. On nous dit que c'était qui, le fils de qui déjà son père, c'était Michel Maurice Jarre. Ouais. Sa mère, c'était un pot. Ah, ben, c'est le fait qu'on nous. Ah! Celui-là n'est pas vrai, ce fait-là, par contre. Il est pas vrai. Puis lui, c'est quoi? C'est les fleurs? Oui, c'est ça. Ah, wow. Mais j'adore cette chanson-là. On dirait qu'on revient à genre Infoscience ou je sais pas quoi, l'émission de Claire Préparée à Télé-Québec des années 80-90. Ouais, hein, c'est vrai. C'est vite. J'adore ça, ouais, ce genre de musique-là. Je pense qu'elle avait une coupe champignon, si je me trompe ça pas. Ça se peut très bien. Ouais, elle avait une coupe courte, ça m'avait traumatisé. Tu sais, j'avais l'image de Pascaro, puis quand je voyais ça, c'était comme, c'est pas Pascaro, ça. Ah, c'est Raël. C'est comme ça que j'ai connu Raël. Oui, confusion facile à faire. Mais non, je blague. Non, mais c'était une très bonne animatrice, Claire Pimperi. Une très bonne chanson que tu nous as présentée. Ben oui, Oxygène, partie 4 de Jean-Michel Jarre. Et la dernière chanson, et non la moindre. Oui. C'est quoi, oui. c'est quoi? Eh bien, c'est Je suis un homme de la chanteuse Zazie. D'abord, Zazie qui est née Isabelle Marie-Anne de Truchis de Varennes, elle aurait pu s'appeler Huguette Tremblay, comme tout le monde, mais non. Elle fallait que ce soit un autre nom. Eh bien, dès son enfance, elle baigne dans la musique avec Brassens, Brel, Barbara. Sa mère, c'est une... c'est une musicienne professionnelle et... Dès l'âge de 5-6 ans, elle commence à suivre des cours de violon, de piano. Bref, elle trempe dans l'univers musical assez tôt dans sa vie. Mais Zazie, en fait Isabelle Marianne, de son vrai nom, se dit « Bien, je suis belle, pourquoi pas faire des cours, mais avoir une profession de mannequin. » Donc, elle commence sa carrière de mannequin et elle défile pour Langerfield, pour Saint-Laurent. Rien de moins. Et là, elle se dit, je suis tanné d'avoir l'air d'une belle fille qui ne fait que parader. Branche-toi, hein? Ben ouais. Ben non, elle commence sa vie de mannequin. Donc, elle rencontre un président français, elle me marie, puis... Non, je me suis trompé. Non, moi, en fait, je vous parle d'une vraie chanteuse, là, aujourd'hui. Ah, c'est méchant. Ah, là, c'était une blague sur... Carla Bruni. Ah, c'est méchant. On fait de la désinformation, aujourd'hui. Ouais, c'est fou, n'importe quoi. Bref, Zazie commence à chanter pour des annonces, pour des émissions, etc., etc. Et là, elle signe un contrat en 91 et elle enregistre son premier album, Je tue il, dans les studios de Peter Gabriel. Wow! Puis on sent que son premier album, il y a des sons un petit peu wordy. Pas tant que ça, ça reste quand même pas parce que Zazie, c'est de la pop. Ouais. On va écouter de la pop. C'est bonbon un peu. Ben non, au contraire, c'est pas bonbon. En fait, en France, c'est très simple. Il y a comme Mylène Farmer puis Zazie. OK. C'est comme, mettons, Fanny Bloom puis Marie Mc. Oh. OK, donc Zazie, elle est underground un peu plus, puis l'autre est vraiment mainstream. Ben, Zazie vend quand même des albums, mais c'est pas une méga vedette comme Mylène Farmer. Mais mettons que si t'aimes Mylène Farmer, tu peux pas aimer Zazie. T'sais, OK, comme, ça va pas ensemble. C'est comme, Zazie, c'est comme une version bobo de Mylène Farmer. OK. Non, je sais pas si vous comprenez. Oui, non, je comprends. Ouais. Donc, c'est ça, Zazie, c'est comme si Mylène Farmer habiterait sur le plateau Mont-Royal. Oui. Donc, bon, là, c'est ça. Là, c'est son premier album, mais c'est son deuxième album qui va lui permettre de devenir une célébrité avec la chanson Zen, qui a eu un certain succès à la fin des années 90 au Québec. D'ailleurs, c'est son seul titre qui joue à la radio encore une fois de temps en temps, mais la chanson qu'on va écouter, Je suis un homme, qui est tirée de son album Totem, qui est vraiment un très bon album. En fait, Je suis un homme, ça raconte son opinion sur l'homme occidental consommateur, surconsommateur, et parce que Zazie écrit ses chansons et les compose, et c'est quelqu'un de très engagé dans ses chansons, il parle d'environnement, de société, et Je suis un homme, c'est comme si vous mettez une toune de Mylène Farmer et de Trio dans un blender, et ça fait Je suis un homme. Bon, ben on écoute ça dans la langue. Avec la qualité d'Alain... D'Alain? D'Alain Bachung. Bachung? Oui. Bon, Je suis un homme de Zazie. Un singe ou un poisson sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. c'était la chanteuse, auteure, compositrice Zazie. Comment? Oui. Interprète. Oui, je viens juste de le dire, chanteuse. Ouais. T'écoutes pas mes chroniques. Non, non, mais j'aime mieux quand tu dis interprète. Fâche-toi pas, Gustave. C'est David Ferron. Ah, c'est David, ça. Mélange pas les gens. Gustave est derrière moi en train de gire dans son sang. Il gît dans son sang, juste à côté de moi. Pis il ça... gît dedans. Donc, il est pas mort. Ça veut dire qu'il pourrait revenir éventuellement. J'espère que tu non. Tu l'as pas achevé. Gustave, la fenêtre. Ben, c'est toi qui as tiré dessus, Mathieu, tout à l'heure, si t'en rappelles pas. Mais je suis pas un très bon viseur. J'avais pas mes lunettes. Fait qu'on sait jamais. Oh, mystère! Suspense, c'est cliffhanger à la fin de l'épisode. C'est, ça finit même comme une série américaine comme Dallas. Non. Pareil. Pareil comme Dallas. Alain, non! Bon. Non, Gustave! Non, lâche-moi, Gustave, s'il te plaît, non! Je pense non, que Gustave va briser non. notre micro en faisant ça. Ben. Ouais, c'est ça que... Hein? Je devrais filmer ces affaires-là à trois fois. Hein? J'ai réussi à... Je fais Gustave. Tu peux faire de l'argent, Matt, avec ça. Je pourrais vraiment. Si tu check, David. Donne-moi 20$, puis je l'efface. Ouais. Ça va-tu? T'es-tu correct? Gustave a encore essayé de m'attaquer. Oh non. Ça va pas, puis là, il me salait avec son sang, là. Fait que c'est vraiment dégueulasse, là. Je suis dégueulasse. Et le Gémeaux va à... Pas David Ferron. Je vais pouvoir assommer Gustave avec ça. Ah, écoute, tu peux faire plein d'affaires. C'est coupant, je pense. Donc, c'est tout pour la langue dans ton oreille. Tu nous parlais un petit peu de Zazie, juste pour terminer rapidement là-dessus. Tu disais, bon, tu as dit plein d'affaires là-dessus. Elle s'est réinventée beaucoup. Elle a fait du folk, de l'électronique. Donc, si les gens sont intéressés par Zazie parce qu'ils ont entendu là, ils peuvent se renseigner un petit peu plus et puis découvrir les multiples facettes de Zazie. Oui, en fait, si vous voulez connaître Zazie, écoutez, il y a deux albums que je vous recommande. Totem, dont fait partie Je suis un homme, et également Rue de la paix, qui est... En fait, son incursion dans le monde électronique. Okay. Donc, ça peut être ses deux albums forts pour la connaître, puis c'est ses deux meilleurs albums aussi. Merveilleux, c'est noté, Zazie. Merci, oui. David Ferron. Ben, ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Merci, merci, merci beaucoup. Mais vous aussi, puis j'espère que Gustave sera pas là la semaine prochaine. On va faire en sorte qu'il vienne pas. Je m'attache à Gustave. Ah ouais? Sa moustache. Sa moustache. Sa moustache m'attache. S'attache. Mardi prochain, 8h30, David de Ferron. Merci, David. Nous, on va terminer l'émission ici et on va se retrouver demain. Avant de dire, par contre, qu'est-ce qu'il y a demain, on va remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. On parle donc de David Ferron, demain. Oui, merci, David. Gustave. Hein? Gustave la fenêtre. Oui, au revoir. Je pense que Gustave voudrait vous rappeler que Windows 8 est présentement disponible en magasin. Procurez-vous-le avant que je meure. Michel Lebrun. Oui. Merci beaucoup. Merci à Maxime Tanguay aussi. Tout à fait. Demain, l'émission Anne-Julie Durocher avec son index et ses choix de la semaine. Jasmine Raymond-Drainville. Qui nous parle de l'âge UQTR. Et Maxime Bilodeau. Oui, on parle de sport. Oui, de sport, d'ergogénique illégaux utilisés dans le monde sportif. En fait, ça a commencé avec une question que tu nous as posée la semaine passée sur est-ce qu'on se dope dans d'autres sports que le vélo. Genre, on disait que dans tous les sports, c'était assez... Donc, on en parlera demain à l'émission. Restez sur nos ondes. À partir de 11h, sera Dîner de con avec Danny Janvier et ses collaborateurs. Aujourd'hui, c'est Michael Da Silva qui va être là. Yay! Toujours une émission qu'on apprécie beaucoup dans la semaine. Ensuite, à 13h, ce sera Rock Classique en version écourtée. Ensuite, à 16h, quand est-ce que je m'en fasse dans mes Melon miel et chou de bruit. Melon miel, j'aime pas ça. Melon miel, d'ailleurs. J'aime l'émission, mais j'aime pas le fruit. Uh-huh. Ça me déchire pas mal. Chou de Bruxelles, ça, j'aime ça. À 19h, ce sera Réanimation avec le Dr Pendragon. Et puis, on se quitte là-dessus, je pense, direct. OK. À demain. Bye. Bye.